Comment diriez-vous tout est vendu? Alles ist verkauft. Alles ist verkauft. Oui. Et je l'ai vendu et ich habe es verkauft. Ich habe es verkauft. Et si vous voulez dire je l'avais vendu, j'avais se dit ich hatte. Ich hatte. H-A-T-E. Et donc nous avions se dira wir hatten. C'est ça. Wir hatten. Et il ou elle au pluriel avait, ou vous, vous que je vous vois, aviez. Sie hatten. Sie hatten. Et j'avais, encore une fois, c'est ich hatte. Pour il au singulier avait, on emploie aussi la forme hatte. Er hatte. Quant à tu avais, ça se dit du. Du hattest. Hattest. Hattest. Oui. Je l'avais, ça sera ich. Ich hatte es. Ich hatte es. Et je ne l'avais pas? Ich hatte es nicht. Ich hatte es nicht. Comment diriez-vous j'aurai cela? Je vais avoir cela. Ich werde es haben. Bien. Ich werde es haben. Et maintenant, au conditionnel, comment diriez-vous j'aurai cela? Par exemple, j'aurai cela si vous me le donniez. Alors, j'aurai cela. Ich. Ich würde es haben. Ich würde es haben. Et je ne l'aurai pas, comme dans même si je le demandais, je ne l'aurai pas. Alors, je ne l'aurai pas. Ich würde es nicht haben. Ich würde es nicht haben. Bien, ich würde es nicht haben. Et maintenant, je n'aurai pas le temps de le faire, même si je voulais, je n'aurai pas le temps de le faire. Alors, je n'aurai pas le temps de le faire? Ich würde. Pas le temps, c'est-à-dire aucun temps. Keine Zeit haben. De le faire? Es zu tun. Bien. Ich würde keine Zeit haben, c'est-à-dire je n'aurai aucun temps. Keine Zeit, aucun temps. Ich würde keine Zeit haben, je n'aurai pas le temps. Es zu tun, de le faire. À la place de würde haben, la forme du conditionnel j'aurai, vous pouvez aussi employer ich hätte, c'est-à-dire la même forme que pour j'avais, hatte, H-A-T-E, mais avec un umlaut sur le A. Hätte, H-A-T-E. Donc, à partir de hatten, on obtient les formes hätte et hätten. Alors, pour reprendre notre exemple de départ, pour dire je n'aurai pas le temps, vous pouvez dire ich würde keine Zeit haben ou ich. Ich hätte. Ich hätte keine Zeit. Donc, je n'aurais pas le temps de le faire. Ich hätte keine Zeit, es zu tun. Ich hätte. Il faut donc bien faire la différence entre ich hatte, j'avais, et ich hätte, j'aurais au conditionnel. En employant cette forme hätte, comment direz-vous je ne l'aurais pas acheté? Par exemple, si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté. Alors, je ne l'aurais pas acheté? Ich hätte es nicht gekauft. Oui, ich hätte es nicht gekauft. Car c'était très cher. Denn, denn, c'était très cher. C'était, se dit, es. C'était dans le Var. Es war. Es war. War s'écrit W-A-R, oui. Donc, c'était très cher. Es war sehr teuer. Bien. Denn es war sehr teuer. Ou, weil es. Weil es sehr teuer war. C'est ça. Weil es sehr teuer war.